Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout à la fois est celui d'une chasse aux pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d'une dépense qui, par une jalousie élevée, recevait du jour de la cuisine. Un jour que j'étais seule dans la maison, je montai sur la mets pour regarder dans le jardin des Hespérides ce précieux fruit dont je ne pouvais approcher. J'allai chercher la broche pour voir si elle y pourrait atteindre. Elle était trop courte. Je l'allongeai par une autre petite broche qui servait pour le menu gibier, car mon maître aimait la chasse. Je piquai plusieurs fois sans succès. Enfin, je sentis avec transport que j'amenais une pomme. Je tirai très doucement. Déjà, la pomme touchait à la jalousie. J'étais prêt à la saisir. Qui dira ma douleur ? La pomme était trop grosse. Elle ne put passer par le trou. Que d'inventions ne mis-je point en usage pour la tirer ? Il fallut trouver des supports pour tenir la broche en état, un couteau assez long pour fendre la pomme, une latte pour la soutenir. À force d'adresse et de temps, je parvins à la partager, espérant tirer ensuite les pièces l'une après l'autre. Mais à peine furent-elles séparées qu'elles tombèrent toutes deux dans la dépense. Lecteur pitoyable, partagez mon affliction. Je ne perdis point courage, mais j'avais perdu beaucoup de temps. Je craignais d'être surpris. Je renvoie au lendemain une tentative plus heureuse, et je me remets à l'ouvrage tout aussi tranquillement que si je n'avais rien fait, sans songer aux deux témoins indiscrets qui déposaient contre moi dans la dépense. Le lendemain, retrouvant l'occasion belle, je tente un nouvel essai. Je monte sur mes tréteaux, j'allonge la broche, je l'ajuste, j'étais prêt à piquer. Malheureusement, le dragon ne dormait pas. Tout à coup, la porte de la dépense s'ouvre. Mon maître en sort, croise les bras, me regarde et me dit « Courage !» La plume me tombe des mains. Bientôt, à force d'essuyer de mauvais traitements, j'y devins moins sensible. Ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol qui me mettait en droit de le continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble et constituaient en quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état qui dépendait de moi, je pouvais laisser le soin de l'autre à mon maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais « Qu'en arrivera-t-il, enfin ? Je serai battu. Soit, je suis fait pour l'être. » J'aime à manger sans être avide. Je suis sensuel et non pas gourmand. Trop d'autres goûts me distraient de celui-là. Je ne me suis jamais occupé de ma bouche que quand mon cœur était oisif. Et cela m'est si rarement arrivé dans ma vie que je n'ai guère eu le temps de songer au bon morceau. Voilà pourquoi je ne bornais pas longtemps ma friponnerie au comestible. Je l'étendis bientôt à tout ce qui me tentait. Et si je ne devins pas un voleur en forme, c'est que je n'ai jamais été beaucoup tenté d'argent. Dans le cabinet commun, mon maître avait un autre cabinet à part, qui fermait à clef. Je trouvai le moyen d'en ouvrir la porte et de la refermer sans qu'il y parût. Là, je mettais à contribution ses bons outils, ses meilleurs dessins, ses empreintes, tout ce qui me faisait envie et qu'il affectait d'éloigner de moi. Dans le fond, ses vols étaient bien innocents, puisqu'il n'était fait que pour être employé à son service. Mais j'étais transporté de joie d'avoir ces bagatelles en mon pouvoir. Je croyais voler le talent avec ces productions. Du reste, il y avait dans des boîtes des recoupes d'or et d'argent, de petits bijoux, des pièces de prix, de la monnaie. Quand j'avais 4 ou 5 sous dans ma poche, c'était beaucoup.

ou du moins laisser supposer à M. de Franqueuil que j'y suis perdu. Je sors, je reprends ma contremarque, puis mon argent, et je m'en vais, sans songer qu'à peine avais-je atteint la porte que tout le monde était assis, et qu'alors M. de Franqueuil voyait clairement que je n'y étais plus. Comme jamais rien ne fut plus éloigné de mon humeur que ce trait-là, je le note, pour montrer qu'il y a des moments d'une espèce de délire où il ne faut point juger des hommes par leurs actions. Ce n'était pas précisément voler cet argent, c'était en voler l'emploi. Moins, c'était un vol. Plus, c'était une infamie. Je ne finirai pas ces détails si je voulais suivre toutes les routes par lesquelles, durant mon apprentissage, je passais de la sublimité de l'héroïsme à la bassesse d'un vaurien. Cependant, en prenant les vices de mon état, il me fut impossible d'en prendre tout à fait les goûts. Je m'ennuyais des amusements de mes camarades, et quand la trop grande gêne m'eut aussi rebuté du travail, je m'ennuyais de tout. Cela me rendit le goût de la lecture que j'avais perdu depuis longtemps. Ces lectures, prises sur mon travail, devinrent un nouveau crime qui m'attira de nouveaux châtiments. Ce goût irrité par la contrainte devint passion, bientôt fureur. La tribu, fameuse loueuse de livres, m'en fournissait de toute espèce. Bons et mauvais, tout passait, je ne choisissais point. Je lisais tout avec une égale avidité. Je lisais à l'établi, je lisais en allant faire mes messages, je lisais à la garde-robe, et m'y oubliais des heures entières. La tête me tournait de la lecture, je ne faisais plus que lire. Mon maître m'épiait, me surprenait, me battait, me prenait mes livres. Que de volumes furent déchirés, brûlés, jetés par les fenêtres. Que d'ouvrages restèrent dépareillés chez la tribu. Quand je n'avais plus de quoi la payer, je lui donnais mes chemises, mes cravates, mes hardes. Mes 3 sous d'étrenne tous les dimanches lui étaient régulièrement portés. « Voilà donc, me dira-t-on, l'argent devenu nécessaire. » Il est vrai, mais ce fut quand la lecture m'eut ôté toute activité. Livré tout entier à mon nouveau goût, je ne faisais plus que lire, je ne volais plus. C'est encore ici une de mes différences caractéristiques. Au fort d'une certaine habitude d'être, un rien me distrait, me change, m'attache, enfin me passionne. Et alors, tout est oublié, je ne songe plus qu'au nouvel objet qui m'occupe. Le cœur me battait d'impatience de feuilleter le nouveau livre que j'avais dans la poche. Je le tirais aussitôt que j'étais seule et ne songeais plus à fouiller le cabinet de mon maître. J'ai même peine à croire que j'eusse volé. Quand même, j'aurais eu des passions plus coûteuses. Borné au moment présent, il n'était pas dans mon tour d'esprit de m'arranger ainsi pour l'avenir. La tribu me faisait crédit, les avances étaient petites, et quand j'avais empoché mon livre, je ne songeais plus à rien. L'argent qui me venait naturellement passait de même à cette femme, et quand elle devenait pressante, rien n'était plus tôt sous ma main que mes propres effets. Voler par avance était trop de prévoyance, et voler pour payer n'était pas même une tentation. À force de querelles, de coups, de lectures dérobées et mal choisies, mon humeur devint taciturne, sauvage. Ma tête commençait à s'altérer, et je vivais en vrai loup-garou. Cependant, si mon goût ne me préserva pas des livres plats et fades, mon bonheur me préserva des livres obscènes et licencieux. Non que la tribu, femme à tous égards très accommodante, se fit un scrupule de m'en prêter. Mais, pour les faire valoir, elle me les nommait avec un air de mystère qui me forçait précisément à les refuser, tant par dégoût que par honte. Et le hasard seconda si bien mon humeur pudique que j'avais plus de 30 ans avant que j'eusse jeté les yeux sur aucun de ces dangereux livres qu'une belle dame de par le monde trouve incommode, en ce qu'on ne peut les lire que d'une main. En moins d'un an, j'épuisais la mince boutique de la tribu. Et alors, je me trouvais dans mes loisirs cruellement désœuvré. Guéri de mes goûts d'enfant et de polisson par celui de la lecture, et même par mes lectures, qui, bien que sans choix et souvent mauvaises, ramenaient pourtant mon cœur à des sentiments plus nobles que ceux que m'avait donné mon état. Dégoûté de tout ce qui était à ma portée, et sentant trop loin de moi tout ce qui m'aurait tenté, je ne voyais rien de possible qui pût flatter mon cœur. Mes sens, émus depuis longtemps, me demandaient une jouissance dont je ne savais pas même imaginer l'objet. J'étais aussi loin du véritable que si je n'avais point eu de sexe. Et déjà pubère et sensible, je pensais quelquefois à mes folies, mais je ne voyais rien au-delà. Dans cette étrange situation, mon inquiète imagination prit un parti qui me sauva de moi-même et calma ma naissante sensualité. Ce fut de se nourrir des situations qui m'avaient intéressé dans mes lectures, de les rappeler, de les varier, de les combiner, de me les approprier tellement que je devinsse un des personnages que j'imaginais, que je me visse toujours dans les positions les plus agréables selon mon goût. Enfin, que l'état fictif où je venais à bout de me mettre me fit oublier mon état réel, dont j'étais si mécontent. Cet amour des objets imaginaires et cette facilité de m'en occuper achevèrent de me dégoûter de tout ce qui m'entourait et déterminèrent ce goût pour la solitude qui m'est toujours resté depuis ce temps-là. On verra plus d'une fois dans la suite les bizarres effets de cette disposition si misanthrope et si sombre en apparence, mais qui vient en effet d'un cœur trop affectueux, trop aimant, trop tendre, qui, faute d'en trouver d'existant qui lui ressemble, est forcé de s'alimenter de fiction. Il me suffit, quant à présent, d'avoir marqué l'origine et la première cause d'un penchant qui a modifié toutes mes passions, et qui, les contenant par elle-même, m'a toujours rendu paresseux à faire, par trop d'ardeur, à désirer. J'atteignis ainsi ma 16e année, inquiet, mécontent de tout et de moi, sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais l'objet, pleurant sans sujet de larmes, soupirant sans savoir de quoi, enfin caressant tendrement mes chimères, faute de rien voir autour de moi qui les valût. Les dimanches, mes camarades venaient me chercher après le prêche pour aller m'ébattre avec eux. Je leur aurais volontiers échappé si j'avais pu, mais une fois en train dans leur jeu, j'étais plus ardent et j'allais plus loin qu'aucun autre, difficile à ébranler et à retenir. Ce fut là de tout temps ma disposition constante. Dans nos promenades hors de la ville, j'allais toujours en avant, sans songer au retour, à moins que d'autres n'y songeassent pour moi. J'y fus pris deux fois. Les portes furent fermées avant que je pusse arriver. Le lendemain, je fus traité comme on s'imagine. Et la seconde fois, il me fut promis un tel accueil pour la troisième que je résolus de ne m'y pas exposer. Cette troisième fois si redoutée arriva pourtant. Ma vigilance fut mise en défaut par un maudit capitaine appelé Monsieur Minutoli, qui fermait toujours la porte où il était de garde une demi-heure avant les autres. Je revenais avec deux camarades. À 2 lieues de la ville, j'entends sonner la retraite. Je double le pas, j'entends battre la caisse, je cours à toutes jambes, j'arrive essoufflé, tout en nage. Le cœur me bat. Je vois de loin les soldats à leur poste. J'accours, je crie d'une voix étouffée. Il était trop tard. À 20 pas de l'avancée, je vois lever le premier pont. Je frémis en voyant en l'air ces cornes terribles, sinistre et fatal augure du sort inévitable que ce moment commençait pour moi. Dans le premier transport de ma douleur, je me jetai sur les glacis et mordis la terre. Mes camarades, riant de leur malheur, prirent à l'instant leur parti. Je pris aussi le mien, mais ce fut d'une autre manière. Sur le lieu même, je jurai de ne retourner jamais chez mon maître.